De piocher une question dedans et on va y répondre tous ensemble. Voilà, on n'invite pas un intervenant ou une intervenante pour en parler et avec le débat en collectif, on va réussir à avancer par rapport à cette question. Qui souhaite piocher Alors celui qui pioche lit la question, il n'est pas obligé d'y répondre en premier. Hein. Non, tout le monde est en train de lire ses papiers là du coup. Voilà. En fait, c'est une question qui avait été posée au GIS. C'est que font les organisateurs de Debout Éducation Populaire dans la vie? Bon. Donc c'était au GIS, je pense. Donc on va prendre les questions plus en dessous. Alors, est-ce que... Ah non, mais encore. Ah ouais, là, c'est... C'est que sur nous, quoi. C'est que des questions sur nous. C'est que des questions de GIS, tout ça. Ah, ça, on peut le garder. On pioche tant qu'on trouve. Bon. Que devient le mouvement Nuit Debout aujourd'hui? Vivre plus. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à cette question? Est-ce que, bon, en fait, le principe qu'on a, c'est à partir du moment où quelqu'un veut commencer à réagir à la question, et ben, on considère que du coup, on se lance dessus. Bah voilà, bah du coup, on commence. Donc là, on va faire tourner le micro entre chaque personne. Voilà, il n'y a pas d'intervenant à qui ça revient. Donc on commence à partir sur la question. Le seul rôle que j'aurai, c'est si jamais on sort tout à fait de la question, de revenir dessus. Mais on peut aussi en faire. Alors en fait le rôle de Nuit Debout, enfin bon on le sait tous ici à la base, le gros objectif c'était en fait faire tomber la loi El Khomri et en plus aussi encore un plus gros objectif derrière qui est la loi El Khomri et son monde et ça bien évidemment en fait le monde néolibéral, donc ça c'était vraiment en dernière instance, mais en fait Nuit Debout ici avait deux autres objectifs qui étaient implicites en fait et qu'on voyait pas et qu'on a vu en fait après, c'est ce que dit Lordon qui est très intéressant en fait sur l'idée de souterrain, de l'idée que en fait Nuit Debout a créé en fait des échos et que on en parle encore, il y a encore des idées Nuit Debout qui sont là en écho dans la société, c'est ça ce qui est extrêmement intéressant et qu'en plus notre objectif, le deuxième objectif implicite qui est réussi qui est extrêmement intéressant, c'est juste nous en fait, c'est, on est en train de discuter etc, et il y a un échange et de la même façon que je sais pas, il y avait l'agora grecque enfin il y a 2000 ans et nous Angers de sortir de nos déprimes postmodernes et de se réunir ici et donc déjà enfin voilà, ça fait deux objectifs qui ont été réussis et donc du coup voilà, c'est excellent et donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent répondre à la question. Oui, alors que devient le mouvement Nuit Debout? Moi, je vais parler d'une, c'est que Nuit Debout, c'est pas seulement la place de la République. Il y a au mois d'avril, mai 2016, il y a je vais pas dire des centaines, mais des dizaines de Nuit Debout qui sont apparues dans des grandes villes de France, mais aussi dans des petites, dans des toutes petites communes. Alors que devient Nuit Debout? Je peux vous dire, à Nantes, ils sont toujours là, ils sont toujours mobilisés, ils aident les plus démunis, les réfugiés, les mineurs isolés, et ils font plein de choses très rigolotes. Il y a Rennes qui a mené tout un travail de réflexion sur la démocratie, les propositions du 32 mars, avec en partenariat avec des gens de Paris. Il y a Lyon qui continue Place Guichard et qui sont mobilisés. Il y a des assemblées de lutte prévues pour ce week-end. Bon, je vais pas toutes vous les faire, mais il y a aussi Nice qui est là, c'est-à-dire ils ont 300, plus de 360 jours de présence quotidienne sur la place Garibaldi et ils éditent un hebdomadaire qui s'appelle Gary la nuit et que je vous invite à consulter. Vous tapez Gary la nuit sur Google et vous verrez. Je prends juste le micro pour dire que c'est Thomas qui va faire tourner le micro justement, donc vous levez la main et puis il vous passe la parole sur la question que devient Nuit Debout. Donc sur ce que disait mon camarade, c'est vrai que Nuit Debout, c'est pas que à Paris. Ça, faut bien se l'ancrer dans la tête, même si, on va dire, l'essentiel de la médiatisation est passé par Paris ou a montré Paris en tant que, on va dire, effigie de Nuit Debout, c'était un tort. Il y a aussi à comprendre que la place ou les places publiques pour Nuit Debout, c'était un berceau. Et que, au fur et à mesure, le nourrisson a grandi et il a été voir un peu en dehors ce qu'il y avait à changer ou on va dire à essayer de fédérer aussi en dehors des places. Et il y a énormément de collectifs qui sont nés à partir des rencontres qu'on a pu faire ici sur d'autres places de France. Et en gros, il y a un vrai réveil populaire qui s'est mis en marche. Bon, je vais pas dire en marche parce que en ce moment c'est ça la fout mal. Qui s'est mis en mouvement, on va dire, qui est en train d'apparaître pour moi clairement, parce que ça fait un moment que j'essaye de le voir apparaître justement, ou en tout cas de le pousser un peu si quand je peux quoi. Et du coup clairement qu'il y a une vraie réaction. On va dire du peuple face à ce système et face aussi à la démocratie représentative, qui est finalement l'essentiel de notre combat, parce que c'est celle qui nous empêche le plus en tant qu'humain et qui nous empêche aussi de mettre en place certains projets qui auraient des visées humanitaires ou même des visées de changement profond des mentalités. Et à chaque fois que c'est ce système, c'est cet État qui nous empêche de faire sous prétexte de tout un tas de choses en fonction de ce qu'on essaye de faire. À chaque fois, ils nous opposent finalement leurs règles, leurs lois ou leur façon de faire ou de voir les choses par rapport à l'autre qui serait différente. Et en gros, c'est ça, pour moi, le cœur du message ou ce qu'a été le message de Nuit Debout et ce qui pourrait l'être encore, c'est que on a vraiment besoin de se rencontrer les uns les autres, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour changer les choses. Parce que seul, on n'est rien, à des millions, on peut faire beaucoup. Et en gros, je pense que c'est ce qu'a voulu dire Nuit Debout, et on est encore là aujourd'hui pour essayer de le démontrer et en faire l'usage. Oui, je pense que pour répondre en partie à la question « Que devient Nuit Debout ?», je pense qu'il y a une partie visible et une partie invisible. Et la partie invisible, c'est d'abord tous ceux qui sont passés, tous ceux et toutes celles qui sont passés par Nuit Debout, il en reste quelque chose en eux, et ça c'est invisible. Et donc il y a le fait déjà d'avoir pu rencontrer d'autres personnes, mais rien que quelque chose de très simple. Moi je savais même pas avant Nuit Debout qu'il était possible de faire une déclaration sur une place publique pour Aline Sono et faire un débat. Je me disais, la question ne se posait même pas, donc déjà ça déplace énormément tout ce qu'on imagine qui est possible. De la même façon, Laure Cazebout qui va jouer ce soir, la première fois que je les ai vus jouer dans Place de la République, je me suis dit, ah, oui, même ça, c'est possible. Donc, en fait, ce que ça a pu déclencher, et là, c'est vraiment la partie invisible, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire, qu'on ne savait même pas qu'on pouvait faire, et même on peut imaginer encore de nouveaux modes d'action. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de collectifs qui sont moins dans les modes d'action habituels, manifestations, etc., et qui inventent des choses. Je pense aux faucheurs de chaises, par exemple. Il y en a beaucoup comme ça qui inventent du coup de nouvelles formes. Et en plus, on se rend compte que non seulement le droit, en fait, on l'a avec nous, mais comme on ne le connaît pas, on ne sait pas toutes les façons dont on peut l'utiliser. Après, sur l'aspect visible, il y a ce qui a été dit avant, le fait qu'il y a pas mal de collectifs qui se soient rencontrés, qui se soient rejoints. Le fait aussi qu'on a pu prendre la parole, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été entendues, même si celles qui ont été transmises par les médias sont très minimes, mais aussi le fait qu'on n'ait pas forcément besoin des médias pour savoir ce qui se passe autour de nous, parce qu'on peut en discuter et personne, et après ça circule, donc peut-être entre autres. Pour rebondir à mon tour sur l'intervention précédente et celle d'avant, c'est vrai que travaille certainement de façon invisible et souterraine. Et pour revenir à Frédéric Lordon, il disait il n'y a pas longtemps que Nuit Debout, c'était un retour à l'essence du politique, au fait justement de pouvoir se rassembler sur une place publique et de discuter. Par ailleurs, que devient Nuit Debout ? Je pense que Nuit Debout a engendré beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai même le sentiment qu'il a créé une sorte d'hégémonie culturelle nouvelle. Quand on pense aux idées dans les programmes politiques comme le revenu universel, la 6ème République, etc., etc., tout ça c'était quand même extrêmement discuté sur la place et aujourd'hui on les retrouve dans des partis politiques en pleine expansion. Donc je pense que Nuit Debout est en train de créer un nouveau monde, mais ça prendra, c'est pas grave, au contraire. Pour finalement rebondir sur des choses bien concrètes, ton sens aussi, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, qui aient participé ou pas à Nuit Debout, ont bien senti que les paroles citoyennes ou les paroles du peuple sur les places ont influé de manière très franche les candidats à la présidence 2017. Et si ça a été le cas, c'est parce que justement, Nuit Debout a su se créer son propre pouvoir, sa propre légitimité, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la pertinence de ses actions par moment. Et du coup, c'est en ça où il faut surtout pas lâcher, parce que si on lâchait maintenant, c'est comme si on n'avait rien fait. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre aussi de tous ceux qui ne sont pas encore ni intéressés ni investis, que il y a une porte ouverte à tous aujourd'hui et à toutes aussi dans n'importe quelle activité. On a un panel aujourd'hui d'actions qui est tellement large que je suis sûr et certain autour de nous ici, vous pourrez vous y reconnaître et vous pourrez y trouver votre compte. Même si c'était que 2 minutes, 3 minutes dans votre vie, pour nous ça représenterait déjà beaucoup. À la question quoi sert Nuit Debout, il y a un autre chose qu'on a réussi à faire sur cette place, qu'on a réussi à développer, c'est penser autrement, c'est penser hors du cadre. On s'est mis sur une place publique pour réfléchir de sujets qui a priori, on est sur une place publique, on les traite dans des salons, dans des émissions de télé, dans des universités, dans des salles de débat, dans des conservatoires. Et on a pris l'écologie, on a pris la politique, on a pris l'argent, on a pris plein de thèmes, on les a développés, on les a réfléchis nous-mêmes, on n'a pas demandé à d'autres. C'est nous qui avons pris les choses en main et avec les résultats qu'il y a eu, qu'il n'y a pas eu, c'est pas grave, on a fait cette démarche. Et de penser autrement, ça a ouvert beaucoup d'horizons, ça a aussi permis de faire aussi les choses autrement. Comme juste derrière, là, l'orchestre debout qui répète. C'est un orchestre symphonique, c'est de la musique classique, ça s'écoute dans un conservatoire. Ça s'écoute à l'opéra. Eh ben non, ça s'écoute sur une place publique maintenant. Grâce à Nuit Debout. Ouais, effectivement, quelque chose qui était un des grands objectifs et qui a été ou non réussi selon les cas, c'était se réapproprier plein de choses. C'était ça. Le premier truc, c'était se réapproprier la place publique. On vient, on s'installe et on dit on a le droit d'être là. Et on a le droit de s'installer et d'y faire, voilà, de mettre un micro et de discuter. On s'est dit, on va se réapproprier certains débats, effectivement, comme disait Bruno, l'écologie. Il y en a eu des millions de débats, évidemment. Chacun s'est dit, moi, j'aimerais bien contribuer à ce débat, trouver des gens avec qui en discuter. On se réapproprie cette discussion plutôt que d'aller écouter qui prétendent penser mieux que nous et tout savoir. Et surtout, rejettent, en fait, souvent, certains arguments, certaines façons de réfléchir. Par exemple, j'avais beaucoup aimé, moi, je me souviens d'une fois où, c'est arrivé plusieurs fois bien sûr, où la commission écologie avait organisé un débat sur le nucléaire et on voyait qu'il y avait des gens qui ne réfléchissaient absolument pas sur la même base et qui ne pouvaient pas vraiment se comprendre. Mais là, on les avait quand même sous la même tente, donc ils étaient forcés, étant l'un face à l'autre, d'essayer de se comprendre un peu. Et c'est ça qui était assez... Au lieu d'avoir quelqu'un, de lire quelqu'un sur Internet, de regarder quelqu'un à la télé, de lire un journal et de voir ce qu'il racontait sur un sujet, et si ça nous plaît pas, on arrête de lire, voilà. Et là, quand on est ici sous la tente en train de discuter, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui nous plaît pas, on peut parler directement avec lui et on essaye de comprendre pourquoi. Parce qu'on se dit quand même, si on est là, justement, il y a un commun. On est là pour une idée commune, il y a quelque chose qu'on essaye de construire ensemble. Donc on va pas essayer d'être destructeurs les uns envers les autres. Mais on sait vraiment, par cette appropriation en fait de l'espace, c'est un truc de base pour ensuite pouvoir se réapproprier tous les sujets politiques comme ça pour... je dirais, mieux communiquer, en fait. Rétablir la communication entre plein de gens qui ne se parlent pas, sinon. Oui, et puis en même temps, sur cette réappropriation de la place publique, je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil à la Révolution française, durant laquelle il avait été question, à un moment donné, sous Seyès, de proposer un vote censitaire avec des actifs et des citoyens passifs, en ce sens que seuls, entre guillemets, les citoyens assez fortunés avaient la possibilité de voter, et les pauvres ne votaient pas. Et Maximilien Robespierre, à ce moment-là, a défendu bec et ongle le suffrage universel et cette idée absurde du citoyen passif. Et pourtant, cette idée est brûlante aujourd'hui, puisque avant Nuit Debout, je pense que beaucoup de gens étaient des citoyens passifs, mais ils ne le savaient pas. Et Nuit Debout a permis, en quelque sorte, cette prise de conscience, cet éveil de la conscience politique, qui a fait sortir, je dirais, de son sommeil dogmatique beaucoup de citoyens, et leur a donné envie de passer du stade de la passivité à celui de l'activité. Je voulais parler d'un autre truc qu'ils aiment bien. C'est déjà qu'on est, on n'est pas obligé d'être intelligent pour parler dans le micro. Et ça m'arrange bien. Et puis, il y a, comment dire, à la télé, dans les journaux et tout ça, où il y a des grands experts toujours qui viennent nous expliquer avec des citations d'autres grands experts que pas, tout le monde n'a pas lu ou n'a pas connu. Et souvent, ils redisent toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut qu'on soit tous bien sages, écoute ce qu'on nous dit et qu'on obéisse. Et surtout, il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est que dans la plupart des émissions, il faut faire le buzz, comme on dit. Il faut faire du scandale, il faut provoquer, il faut emmerder, il faut parler mal de quelqu'un, il faut être violent. Et plus on est violent, et plus on est considéré. Et puis celui qui se fait écraser, mais c'est tant pis pour lui. C'est comment dire. Il a qu'à obéir, se taire, et puis c'est tout, quoi. Et ce que moi j'ai vu, et que j'avais pas vu depuis longtemps, à Nuit Debout, c'est que tout le monde se parle, déjà se parle, pas pour convaincre, pas pour être le plus fort, être le meilleur, ou dire des choses plus intelligentes que l'autre, hein. Avec respect. On est, et à égalité, surtout. On est tous pareils, on a tous les mêmes droits, on peut venir parler, faire ce qu'on veut, mais on est tous à égalité aussi. Ça c'est, et pour finir le cycle, c'est qu'il y a une, à mon avis, du moins parce que moi je viens souvent, il y a une fraternité qui se crée, mais pas forcément comment dire, entre les gens qui se connaissent. Même si on voit quelqu'un, on écoute 10 minutes, il s'en va, on le voit plus, mais quand même, il a pu aider à réfléchir, à penser à quelque chose qu'on ne pensait pas avant, qu'on peut après approfondir, demander à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est ce qu'on devrait trouver à l'école, normalement. Pouvoir discuter, débattre, avoir des idées différentes, et pas être tourné en ridicule si on dit quelque chose qui est bizarre. Comme ça me fait pas petit, une fois j'ai demandé dans ma famille, mais pourquoi faut travailler? Alors tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ben ici, il y a des gens qui ont demandé pourquoi il faut travailler. Et moi j'aime bien ça. J'ai pu reprendre y repenser et réfléchir, dire non, c'était pas idiot ce que j'ai demandé. J'étais gamin, mais... C'était important pour moi et j'ai vu que c'était important pour d'autres aussi. Oui, parce que du coup, on parle pas mal de ce qu'a apporté Nuit Debout, etc. Et c'est vrai que la question, c'était qu'est-ce que devient Nuit Debout ? Et donc si on en a parlé aussi dans ce qui restait à travers les personnes qui ont participé. Bon, on voit aussi que, enfin voilà, on est là, hein, il y a les bâches, il y a Orchestre Debout, il y a Debout Éducation Populaire, il y a encore des commissions, il y a même des nouvelles commissions qui se sont créées il y a pas longtemps, d'autres qui restent actives. Mais je crois qu'il y a peut-être aussi ça pouvait être qu'une première expérience limitée dans le temps. C'est l'expérience politique en elle-même qui a été Nuit Debout. le fait de se retrouver à plusieurs pour co-gérer un espace, prendre des décisions. Enfin, je vais vous donner signer des textes en commun. Et ben, quand il y a 10 personnes dont aucune ne pense de la même façon et qu'on l'accepte parce qu'on s'est dit que c'était ça l'idée de base de Nuit Debout, bah, signer un texte, ça peut prendre un mois. Bon, sauf qu'en général, on le reçoit pour qu'il soit signé la semaine d'après. Donc, celui qui l'avait amené, enfin voilà, ce prix du coup que ça peut produire. Et puis aussi, la difficulté de faire avec la subjectivité de chacun. Parce que, enfin, là, je le mets du côté de difficulté, mais en sachant qu'il y a aussi des apports énormes. Mais pour comprendre, enfin, pour prendre en compte tous ces apports, il faut aussi saisir qu'il y a aussi au travail en groupe dans la subjectivité de chacun. Et c'est là où je disais, ça a été en soi une expérimentation politique de gérer quelque chose en commun, de se limiter là-dedans et de prendre en compte aussi les limites. Et je pense que, bon, peut-être que je vais me faire taper dessus en disant ça, mais c'est pas grave, qu'on n'était pas prêts, en tout cas pas prêts justement, parce qu'on n'a pas eu toute cette expérience-là, fait que peut-être que ceux qui ont participé à Nuit Debout seront prêts la prochaine fois. Mais pas ceux qui n'y ont pas part, qu'il faudra à nouveau retravailler. Mais comme là, c'était la première expérience, on a tous beaucoup appris, mais on n'avait pas du tout les moyens pour le faire fonctionner à long terme. C'est évident, c'était un début de travail d'autonomie qui va devoir se répéter certainement différemment, parce que si on rentre, ça veut dire qu'on va faire quoi ? On va apprendre aux autres ce qu'on a fait. Mais du coup, ça ne marchera jamais. Parce que le principe qui fait que ça nous a appris des choses, c'est parce qu'on l'a vécu nous-mêmes et qu'on a appris en le faisant. Donc, je pense qu'il y aura d'autres formes qui vont exister, et que là-dedans, dans tous les cas, on ne va pas se répliquer de la même façon, mais qu'il y a tout un apprentissage à développer autour de ça. Bon, bah, éducation populaire, bien sûr, mais aussi de plein d'autres façons, en multipliant les rencontres. On voit aussi que maintenant, il y a quand même un aspect de lutte des peuples au niveau international qui... Voilà, toutes ces choses-là à développer, mais il ne faut pas être trop pressé aussi. Enfin, Nuit Debout, ça ne pouvait pas en un an révolutionner la politique française, quoi, en sachant que ça fait je ne sais pas combien d'années, au moins depuis De Gaulle, mais aussi bien avant, qu'on attend un sauveur pour qu'il fasse quelque chose à notre place. Donc, ça n'allait pas être en un an. Voilà, tous les citoyens se réveiller et devenir autonomes. Mais tous ceux qui y ont passé y ont appris quelque chose, savent qu'ils sont capables de faire certaines choses et ont aussi appris qu'ils ne sont pas capables d'en faire d'autres. Et rien que ça, je pense que... Voilà, je m'arrête. Du coup, juste trois mots. Hein. C'est juste que cette question, en fait, elle me sort par le nez. Que devient Nuit Debout ? C'est une question qui est... C'est comme si on vous... Enfin, pour moi, Nuit Debout, c'est personne et tout le monde en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si je vous demandais à vous, vous allez répondre quoi à cette question ? Bah, on devient, on est là, quoi. Et en gros, c'est... Enfin, on n'a pas de réponse objective et pragmatique à cette question, à qu'est-ce qu'on devient. Par contre... Une question qu'on pourrait se poser et qui est éthique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour changer le monde ensemble ? Après, je n'ai pas la réponse non plus. Oui, je voudrais rebondir. Donc, moi, on m'a appris ça, que l'éducation, c'est l'art de la répétition. Il paraît qu'il faut apprendre 7 fois la même chose avant que ça reste dans notre tête. Il y a peut-être une piste parce que je ne suis pas tout à fait française. T'es en France, ouf, quelle chance pour une fois, parce que ce n'est pas facile hein, ce qui se passe. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est mieux. Mais l'aspect international est important parce qu'il y a des petits mouvements comme ça qui sont comme des petites satellites, vraiment structurés. C'est un peu cadré, voilà. Et je pense aussi que chacun entre nous est debout, puisqu'on ne serait pas là, sinon, et qu'on sait faire peut-être une chose en plus. Par exemple, moi, je parle des langues pour m'utiliser parce que je peux traduire. Voilà. Chacun sait faire aussi la cuisine, ou sait aussi faire une petite chose en plus. Voilà. Et puis, je voudrais aussi parler des tabous, parce que tout à l'heure, des tabous, c'est vrai que ça m'embêterait vraiment beaucoup de retomber dans des tabous pour lesquels on s'est bagarré dans les années 60 et 70. Alors, c'est pas des trucs énormes, hein, c'est juste dialoguer, finalement, sur des sujets, la sexualité, je sais pas, les drogues, le sida, enfin, des trucs de société, quoi. Donc, pas mettre sa tête dans le sable. Moi, je ta question, Nuit debout, qu'est-ce que c'est? Mais on s'en tape. L'essentiel, c'est d'être debout pour faire quelque chose, non? C'est-à-dire pour faire changer ce putain de monde-là. Et on peut le changer un peu. On peut peut-être pas le changer totalement, mais merde, quand t'aides des gens à qui on refuse leurs droits, quand on les voit apprendre leurs droits, les exercer, devenir des lutteurs, reprendre du poil de la bête, de l'estime d'eux-mêmes, de la confiance en eux, qu'ils ont plus envie de cracher le voisin parce qu'il est un peu plus différent d'eux, qu'ils ont plus envie de se suicider dans les hôpitaux, à la poste et dans les cheminots, mais de lutter contre leur putain de patron. Quand on les voit reprendre la pêche, eh ben déjà ça fait du bien, pour eux, pour nous. Si on est très nombreux à faire ça, il y aura un peu moins de gens qui voteront pour le désespoir, pour la rage, la chasse au bouc émissaire, mais on peut changer des choses. Regardez, on en a changé, merde. En mai 68, on en a changé un peu. Puis après, c'était les élections les plus à droite. En 36, moi, j'y étais pas, mais il paraît que, hein. Bon, et puis là, qu'est-ce qu'on attend là pour... j'espère que lundi, on sera tous en lutte et qu'on va y rester un sacré bout de temps. Pourquoi on se fait baiser la gueule en disant merci? C'est bien qu'on le veut, ça, de supporter ces gens-là, à qui on a donné notre pouvoir au lieu de le garder entre nous, de partager. Il y a des gens qui le font tous les jours. Bon, d'accord, peut-être pas très longtemps, à Notre-Dame-des-Landes, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur truc eux-mêmes, ils s'entendent entre eux, même s'ils sont pas d'accord, ils construisent, ils produisent, ils consomment, ils échangent avec leur propre système, avec de l'égalité, de l'échange, bon d'accord, des conflits aussi, il y aura toujours des conflits, mais pourquoi on aurait besoin d'un État? Pourquoi on aurait besoin de chefs? Pourquoi on aurait besoin d'élus qui représentent qu'eux-mêmes, qui nous ont jamais représentés, qui se remplissent les poches, et en plus, on vote pour eux? Non mais on est bien trop bêtes, non? Mais pourquoi on vote? Pourquoi on se bat pas? Pourquoi on change pas la réalité? Entre nous, on est tous dans la même merde. Attends, on y va. Alors, moi je m'appelle Franco, déjà je vais me présenter. Madame, elle revient en arrière, presque à 1789, à l'époque de la Révolution. Je vous rappelle qu'on est en 2016, dame, et il faut changer les choses. Mais les changer comment? Nuit debout, c'est un pétard mouillé. En fait, c'est devenu jour assis, sans être nuit debout. En fait, moi aussi je parle les langues, je suis chef de cuisine, j'ai travaillé pour les Cosy, à Cavalière, en face de la maison de Carla Bruni. Tous les gardes du corps étaient logés à 600 € la nuit, une chambre seule. Donc imaginez vos impôts. J'avais un ticket, 30 le petit déjeuner, 90 pour le déjeuner et 140 pour le dîner. Qu'est-ce que je vais leur faire? De la langouste toute la journée? Non. Ah ben, ils me demandaient des spaghettis bolognaises, ils me demandaient des choses simples, alors qu'on leur payait des choses. Alors ce que j'ai dit directeur, j'ai dit tu vas me payer tout ce que moi j'ai déduit sur les repas des gardes du corps de Sarkozy, tu vas me les donner à moi et moi je vais les distribuer au restaurant du cœur. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Voilà. Alors nuit debout, ça sert à rien du tout, puisque vous italien, les Français ne vont jamais jusqu'au bout. Pourquoi l'appeler nuit debout? Vous allez tous en arrière, donc vous faites une action et vous arrêtez là. Nuit debout, ça aurait pu continuer, mais des années et des années, et faire un parti. Mais comme vous n'êtes pas assez fort, en italien on dit vous n'avez pas les palles, d'accord? C'est parce que vous êtes arrêté à un moment où vous étiez les plus forts. Il fallait continuer, il fallait avancer. Moi je dis toujours, je suis chef de cuisine, à mes cuisiniers, venez avec des chaussures de cuisine, basket, sinon on va faire un tennis. Vous comprenez? Vous n'avez pas été assez fort. Et maintenant, vous êtes assis dans la journée, comme aujourd'hui. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Continuez à refaire ce parti. Il était sympa, il y avait beaucoup, beaucoup. Au lieu de l'arrêter, continuez et faites-en un parti. Tout simplement. Bonjour. Moi, je connais pas du tout bien Nuit debout parce que c'est la première fois. Justement, je voulais dire qu'il y avait différentes manières de toucher les gens. Comment? Donc, il y a différentes manières de toucher les gens. Et autant, moi, les grandes manifestations, la nuit, très contestataire, avec des peurs, et je me reconnaissais pas du tout là-dedans, autant un orchestre qui se réunit avec des gens qui se connaissent pas, le jour, tranquillement, et bah, moi, ça m'a fait venir plus facilement. Donc on peut avoir l'impression que le mouvement s'essouffle parce qu'il y a moins de monde, mais un mouvement plus tranquille en apparence peut aussi toucher des nouvelles personnes. Ouais, je voulais dire un autre truc que j'aimerais que ça continue, c'est le appris ici entre autres de remettre en question des évidences. Comme le fait de se réunir, de parler ensemble, et que on est, comment dire, dans la politique telle qu'on nous la sert. Ici, il y a pas mal de gens qui disaient on n'est pas en démocratie. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire le système politique actuel n'est pas en démocratie. C'est pas de la démocratie, mais il y a des choses qu'on fait. Par exemple, ce fameux principe de la majorité qui gagne, s'il y a quelqu'un qui a, même une seule personne qui a une bonne idée, qui comprend bien les choses et qui a des bonnes solutions, même s'il est tout seul avec 50 millions d'autres Français, quoi, on ne mettrait pas en pratique ces idées. Si c'est que la majorité, ce sera toujours une majorité d'imbéciles, parce que c'est les plus nombreux. Remettre en question cette évidence, pour moi, c'est quelque chose de magique. Voilà. Et je voudrais bien que ça continue. Merci. Oui, j'entends des choses sur... donc, on parle de Nuit Debout. Nuit Debout, c'est chercher... C'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas la peine de chercher à définir Nuit Debout, parce que, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Nuit Debout, ça a pris des formes extrêmement diverses dans des territoires très divers, des petites communes, autre que Paris, où les gens font des choses un petit peu différentes. Donc dire « Ah, Nuit Debout, c'est un parti, Nuit Debout, c'est des gens qui tentent des bâches et un orchestre, Nuit Debout, c'est de l'éducation populaire. » Bon, voilà. « Nuit Debout, c'est un parti, regardez, vous présentez des candidats, vous êtes nuls. De toute façon, eux, en face, ils ont des sous-marins nucléaires, vous avez aucune chance. » Bon, je pense que ça, c'est on tape complètement à côté de la plaque. À mon avis, Nuit Debout, ce que ça a créé des liens. Ça n'existait plus ou qui était, on n'arrivait plus à les créer, ces liens. C'est des liens qui, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'était le Parti communiste et quelques autres orgas qui maintenaient ce lien, c'est-à-dire des gens qui ont des opinions, qui ont des niveaux de vie différents et qui pourtant se rejoignent sur quelque chose où chacun projette son imaginaire et autres, et ça fait des gens qui se réunissent. Parti communiste à la fin de la guerre, ça a pas duré, hein. Mais c'est quelque chose qu'on a pu retrouver chez les indignés, les ceci, les cela. Mais je pense que là, vu qu'on est place de la République, parlons de la place de la République, parlons de Paris. L'intéressant avec Nuit Debout sur la place de la République, c'est qu'on a eu absolument pas le même bagage intellectuel, militant, social et autres, qui se sont retrouvés et qui ont discuté. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un espace de neutralité. Parce que quand tu veux parler politique, faire de la politique, tu te retrouves soit sur ceci, sur TV machin, à la conférence de trucs, au meeting de machin. Et en fait, à chaque fois, il y a une nomenclature idéologique, quoi. Il y a un cadre. Tu sais que tu dois dire ça, tu dois pas dire ça. Et la ligne, elle est souvent très, très réduite. Et le truc qui est debout, c'est que justement, on a des gens qui ont des opinions très, très différentes, qui trouvent cet espace de neutralité. La neutralité, elle est bien sûr relative, évidemment, mais un espace de grande neutralité où ils peuvent être, ne pas partager la même opinion, mais échanger et essayer de faire avancer les choses. Et ça a permis notamment à pas mal de gens qui se battent sur des qui militent, qui réfléchissent, qui développent des idées, ferment totalement le monde universitaire, les grands médias et autres. Ça leur a permis d'avoir une interface pour justement parler avec d'autres personnes, échanger, diffuser des idées, même les confronter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et donc je pense que de cela a émergé une forme de légitimation d'un autre imaginaire, c'est-à-dire que tous ceux qui disaient voilà parlons par exemple de l'antispécisme, de ceux qui luttent, alors, il y a aussi le féminisme, toutes les luttes en fait qui se sont retrouvées sur cette place, elles ont trouvé une interface et elles ont permis à beaucoup de gens de se dire ah oui en fait ce ne sont pas des illuminés. On avait Libertalia, qui a dû écouler une quantité astronomique de bouquins relatives, aux pensées libertaires, à l'anarchisme, à plein de choses, à la critique du capitalisme. Et ça, en fait, je pense que Nuit Debout a permis cela, a permis de créer du lien et de sortir certaines idées, certains imaginaires d'un cadre où ils étaient restreints du fait de cette domination idéologique qui est appuyée par les grands médias et par les discours. Et Nuit Debout, ça sert à rien, vous auriez dû être 3 millions et de foutre le feu à l'Elysée ou je sais pas quoi. Bon, voilà, non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas sur ce système-là, on est sur quelque chose d'autre qu'on n'arrive pas forcément très bien à peser. On commence à arriver à le peser à peu près là en 2017. C'était le dans certains sens une sorte de chaos, mais un chaos heureux qui générait des choses. Oui, je voulais revenir sur, au discours du chef de cuisine de tout à l'heure qui parlait de Nuit Debout comme un pétard mouillé et qui défendait finalement l'idée d'une création d'un parti politique qui finalement était son devenir naturel. Alors moi, je vous invite vivement à lire un livre de Simone Veil, avec un W, qui s'intitule sur la suppression générale des partis politiques. Alors, lecture très intéressante, qui va probablement vous faire prendre conscience à quel point les partis politiques sont responsables aujourd'hui de la dépolitisation, justement, des citoyens. Et Nuit Debout, en ce sens, est tout politique, puisque, comme ça a été dit avant, c'est un espace de neutralité, qui est justement être un espace d'accueil de toutes les opinions. Donc on n'est pas un parti, Nuit Debout, à mon avis, est un tout, pas un parti. C'est un espace où tout le monde est invité à s'exprimer, y compris citoyens, chefs de cuisine. Qu'est-ce que c'est beau d'entendre un chef de cuisine parler de politique. Donc tout ça pour dire que l'idée que le devenir de Nuit Debout était de devenir un parti politique, pour moi, c'est comme si on disait que mai 68 aurait dû devenir le 68. Nuit Debout, c'est un événement. Le propre d'un événement est d'être indéfinissable. Et à partir de là, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pas le temps, je pars en cuisine. Ah d'accord. Non, moi, parce qu'après, moi, je prends mon service et j'aurai plus le temps. Pourquoi j'ai dit il faut un parti politique, il faut un responsable de Nuit Debout. Parce que donner la parole à tout le monde, au bout d'un moment, vous allez vous contredire. Un va passer sur la droite, l'autre va passer sur la gauche, l'autre sera au centre, et vous allez vous contredire. Si vous mettez un responsable, allez, on va pas dire un chef. Si vous mettez un responsable, il vous donnera la parole à chacun. Et dans le quand je parle du juste ordre, c'est qu'on passe pas du social à l'économie et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. C'est le responsable va donner le ton. Et tant que vous pourrez rien, ben ça sera rien. Voilà. Vous voulez dire un indien ou un chef? Non, parce qu'en fait, juste pour lui répondre, parce que justement, j'allais tenter de lui faire une réponse. Nuit Debout, il y a, pour moi, je dirais quelques principes simples qu'on a tenté de respecter depuis le début, qui est le premier, ni chef ni chaîne. En gros, Nuit Debout n'a pas une tête, elle en a une infinité, et c'est ce qui fait finalement notre force. Parce qu'on n'est pas au même titre que le serait un parti politique qui serait représenté par une tête, quoi, une personne. Et du coup, au final, en attaquant cette personne, on attaque tout le monde. Et c'est ce que Nuit Debout, en tout cas, a voulu éviter. Une personne puisse parler au nom des autres. Parce que justement, on défend l'idée de la non-représentativité, c'est-à-dire que on n'est pas là pour répéter ce que nous dit quelqu'un ou penser la même chose que notre chef ou notre gourou. On est là même. Et c'est, laissez-moi finir. Et du coup, je pense par essence qu'il n'y a pas besoin de direction ou de diriger cet élan populaire ou cet élan citoyen, ou peu importe comment on l'appelle, dépend comment vous vous définissez. Si vous êtes un genre ou un peuple ou des citoyens, eh ben vous serez ce que vous serez. Et c'est comme ça que qu'on a vécu Nuit Debout depuis le début. C'est que vous venez comme vous êtes et on vous accepte comme vous êtes. Et ensuite, et de faire partager finalement ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire avec le reste de la France, quoi, le reste des gens qui ont envie de faire et de dire avec vous. Et du coup, bah, je respecte à juste titre la valeur et l'opinion de notre ami chef cuisinier. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est juste pas applicable dans un mouvement qui est né sur les bases de Nuit Debout. Faire autre chose. Et dans ce cas-là, qu'il le fasse son parti, qu'il monte son parti et qu'il essaye de fédérer autour de cette idée de faire un parti citoyen. Ça existe déjà, hein. Il y a le parti pirate, il y a le parti des citoyens du vote blanc. Il y en a plein. Est-ce que c'est vraiment un axe de solution qu'on a envie d'expérimenter ou même qu'on pense efficace? En tout cas, pour ma part, je crois pas. Je pense pas qu'un parti soit la réponse à nos problèmes, étant donné que les partis ont été blêmes. Donc, je sais pas, répondre par le mal, moi j'ai du mal, mais après chacun son point de vue. Alors, on me dit de vous dire qu'il reste une dizaine de minutes de débat et qu'après on aura une slameuse. Voilà, je sais pas. Ouais, donc moi je veux dire que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est effectivement le rôle ici, c'est pas de faire un parti, c'est plutôt chacun ici vient partager un peu ce qu'il pense de quelque chose ou écouter ce que les gens ont à dire, et après chacun peut aller s'investir dans l'initiative qui juge bonne, il peut la créer ou il peut en rejoindre une déjà existante, et pas forcément un truc qui se passe dans Nuit Debout, mais c'est un endroit, c'est un petit tremplin, quoi. C'est un petit tremplin, on peut venir discuter, on peut venir rencontrer des gens et monter un truc avec des gens qui ont l'air d'avoir des idées, on est bien en accord et on sent qu'on va pouvoir faire des trucs. Mais l'idée, c'est pas de prendre tous les gens qui sont là, et dire allez, on va faire un super truc tous ensemble. Bah non, ça risque de pas marcher parce qu'on va avoir des gens différents tous les jours, etc. Donc c'est plutôt comment organiser un espace dans lequel on peut réunir tous ces gens-là, en retirer le maximum. Chacun va pouvoir. Un mouvement socioculturel démocratique, mais pas politique. C'est pas un parti politique. Ouais, ce que dit André là, c'est il veut insister sur le fait que c'est pas un parti politique, que on est tous des politiques, ça d'accord. On vient et là on peut on fait de la politique, mais on n'est pas en train forcément d'essayer de se mettre d'accord sur des trucs à faire, sur des grandes mesures à prendre au niveau de l'État, etc. Ne serait-ce que parce qu'on n'y peut rien, donc ça sert à rien. C'est pas du tout la question. La question, c'est vraiment écouter un peu nos opinions et voir qu'est-ce qu'on est capable de faire et avec qui. Rencontrer des gens avec qui on est capable de faire des trucs. C'est le premier truc, et justement, ça me permet de revenir sur quelque chose qu'a dit quelqu'un qui n'est plus là, mais tant pis. C'était sur le fait que, effectivement, il disait aujourd'hui, c'est moins violent peut-être comme occupation. Il y a pas les flics qui entourent la place, des trucs comme ça, et donc c'est plus facile de venir pour plein de gens. C'est moins inquiétant, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand même cette occupation pacifique en journée, elle a toujours existé, tout simplement. Mais que le fait d'avoir en parallèle si on de nuit qui revendiquait donc beaucoup plus en fait pour de l'espace public, ça a permis quelque chose. Ça a permis de créer des liens justement pour qu'il y ait des gens qui se rendent compte qui sont capables de faire des trucs ensemble. Et ça crée une solidarité beaucoup plus forte que juste de passer en journée, d'écouter un peu, éventuellement de prendre la parole, de se dire on reviendra peut-être. Mais quand on est dans une logique d'occupation, on tombe sur vraiment des liens qui se créent qui deviennent fatalement beaucoup plus forts que quand on est dans quelque chose qui n'engage à rien, c'est tout. Donc je pense que c'était bien d'avoir les deux à l'époque, et que l'autre est parti, c'est simplement parce que de fait, à un moment on ne peut plus tenir, quoi. C'est trop fatigant, les gens sont crevés, ils n'en peuvent plus, ils vont faire ça ailleurs, ils vont faire autre chose ailleurs, avec les gens qu'ils ont rencontrés ici, avec les solidarités qui se sont créées. Mais il y a quand même du sens à vouloir prendre peut-être plus que la parole sur une place publique, parfois. Et typiquement, pouvoir dormir sur la place, avoir les tentes. Ah oui, il ne reste plus que 10 minutes de débat. J'ai déjà dit pas mal de trucs. Il y avait Rico. Alors bonjour à tous. Faut que je fasse gaffe à l'enceinte. J'en ai déjà pété une. Donc, mais c'est pas le moment d'en péter, justement, des enceintes. Il faut les garder. Et voilà, j'étais en train de tourner. Là, puis là, je suis arrivé vite fait, là, en train de voir beaucoup de personnes, en train de discuter avec plein de gens. Vite fait, alors ce que disait, parce que alors ce qui est un truc qui est quand même assez rigolo, c'est qu'en même temps sur cette place aujourd'hui, j'avais demandé justement à ce qu'il y ait justement des chefs qui viennent s'exprimer par rapport au fait de savoir ce qui, parce que vous savez que Nuit Debout pour moi, et en même temps on est en plein dedans, la conversation on en parle à fond, parce qu'il y a des formes de dirigeance, des personnes qui veulent diriger, des gens qui veulent se dire je suis au-dessus d'un autre, j'ai plus de cerveau que lui pour penser à cela. Non, on a tous un cerveau ici. Depuis qu'on a commencé il y a plus d'un an et demi, on s'est tous dit on va utiliser chaque cerveau à Nuit Debout, chaque cerveau. Il n'y aura pas de commandant, il n'y aura pas de lieutenant, il n'y aura pas de sergent, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Chacun utilise son cerveau, prône les idées qu'il a prônées. Malheureusement, il y a des gens qui ont continué à se servir de ça. Le monsieur qui était derrière, que j'ai entendu parler, qui est chef de cuisine, je suis chef de cuisine, je le suis devenu il n'y a pas très longtemps, mais j'en suis fier. Mais malgré que je suis chef de cuisine, on vit surtout du fait que je gueule. Oui, je peux gueuler, parce qu'en cuisine, ça gueule. Ceux qui ont travaillé dans la cuisine ou dans la restauration le savent, ça gueule. On n'arrête pas de gueuler d'ailleurs, enfin, de temps en temps, quand ça va mal. Mais le truc qu'il y a, c'est que pourquoi on gueule, c'est que les choses aillent bien, les choses marchent bien et que ça aille comme sur des roulettes. Nous, c'est ce qu'on voulait, que les choses avancent comme sur des roulettes. La différence avec quelqu'un qui travaille en cuisine et qui est chef de cuisine, c'est pas qu'il va gueuler sur ses équipes. Parce qu'il va leur dessus. Non. Il va leur gueuler dessus parce qu'il va leur dire putain de bordel de merde, si je te gueule dessus une fois, tu ne referas pas la même connerie deux fois. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça va fuser quoi. Des assiettes, on va en sortir des 150 plats. On va en sortir. Et qu'on va faire, on va boire un verre ensemble au bar, quoi, tout simplement. Au bar du restaurant quoi. En se disant putain de bordel de merde, on va le putain de service qu'on s'est foutu dans la gueule quoi. Et en plus, on a même réussi au bout d'un moment à se fendre la gueule pendant le service. Aujourd'hui, moi, ce que je veux envie, c'est qu'on Nuit Debout renaître de ses cendres par rapport de ce que ça a été au début. Et de toute façon, là, on va être obligé de redevenir au début. Voir ce qui est en train de se passer, là. Demain soir, aujourd'hui, la plupart des gens ne voient pas encore ce qui se passe. Les gens vont se réveiller à partir de demain. Tout le monde va être devant son écran de télé pour savoir qui peste ou du choléra va passer. Moi, j'ai pas envie d'encore être malade. Je le suis déjà. J'ai pas encore envie de me taper encore une maillie dans la gueule. Donc, si aujourd'hui, personne, à partir de lundi, n'a encore envie de revenir sur cette place, qui reste chez lui. Ou sinon, ne faites pas de restauration, métier justement, où vous allez peut-être vous faire engueuler, mais en même temps, vous savez que ça va avancer. Et qu'en même temps, peut-être que dans votre restaurant, quand vous allez commencer avec 5 tables, 6 tables, vous en resterez peut-être avec 17 tables, avec 18 tables, en enlevant la 13e justement. Mais en même temps, vous risquerez dans le guild Michelin, justement, parce que votre plat et votre équipe, justement, elle sera là, et ce qu'elle va faire, les plats qu'elle va faire, l'amour qu'elle va donner dans ces plats-là, le service qu'elle va faire, ça va prôner, et ça va gagner. Aujourd'hui, c'est ça que je demande, moi. Et je demande pas ça uniquement à Nuit Debout, je demande ça depuis longtemps à tous les collectifs, à toutes les associations. Beaucoup de chefs de cuisine se mettent ensemble pour travailler, justement, pour défendre la cuisine française, que nous, aujourd'hui, on défende la nouvelle justice française, la nouvelle situation française. Tout simplement, voilà, je ne peux plus rien vous dire de plus, à part que, maintenant, faites vos... regardez ce que vous allez faire demain, hein, tout simplement. Voilà, je suis pas dans les consciences de plein. C'est quand même pas mal qu'il y ait pas mal de gens là quand même aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura encore plus demain. Et normalement demain, il pleuvra pas demain, donc ça va être encore mieux. Donc maintenant, je vous invite maintenant, la semaine prochaine, à vous dire que si vous n'êtes pas d'accord, ça a commencé ici. La lutte, elle a commencé là. Rejoignez maintenant ceux qui vont la continuer encore. Ça sera pas un an et demi que ça fera. Ça va faire plus de ça, ça va faire 6 ans et demi que ça va durer. Merci. Je vais essayer de partir. Bon, je vais essayer de partir à partir de du dernier témoignage, au fait. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup Pardon, j'ai pas l'habitude de parler avec au fait, est-ce que ça vaut pas le coup de poser la question, justement, qu'est-ce qu'une nuit debout? Autrement dit, est-ce que chaque mouvement social ou chaque mouvement tout court, il lui faut une identité, au fait? Moi, je souhaite vous livrer quelques grands traits comme ça de ce mot. Comment je le vois, au fait? Comment je le vois? Ça sera intéressant de revenir. Ça sera intéressant de revenir un peu à une sorte de sociogenèse de ce Nuit Debout. Alors, autrement dit, de parler sur les, je dirais, les trois âges de Nuit Debout. Alors, le premier âge, on peut l'appeler, il y a, si vous pouvez me permettre, un peu, en fait, une sorte de témoignage. Tout le monde peut prendre la parole. J'ai moi-même assisté les trois premiers mois. Il y avait quelqu'un qui était complètement bourré. J'ai chronométré pendant 11 minutes. On lui a donné la parole. Alors, contrairement au paradigme dominant, on ne considère pas cette notion de subjectivité dans les mouvements sociaux. En fait, on vous considère, j'ai fait 20 ans au Parti Socialiste, parce que, avant tout, je m'appelle Atman Aghoun, en fait, parce que j'étais... D'accord? Quand on n'a pas une identité statutaire, on a juste sa subjectivité. Autrement dit, quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est précaire, quelqu'un qui est d'origine étrangère, ainsi de suite, on ne le considère pas, au fait. Alors, Nuit Debout, surruption des subjectivités dans l'espace public. Que, contrairement au parti dominant, on ne donne pas d'importance à ces subjectivités, au fait. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée qui me paraissait intéressante, c'est ce deuxième âge, c'est l'éruption de ce qu'on pourra appeler les réseaux dormants, en fait. En fait, à un moment, on a milité tous quelque part, on s'est retiré du champ politique, on s'est retiré parce que j'ai voté pendant 20 ans au Parti Socialiste, donc je me sentais floué. Le seul moyen, parce qu'il me restait pour faire le deuil, c'est Nuit Debout. Au moins, à Nuit Debout, on me donne la parole, en fait. C'est l'éruption de ces réseaux dormants. Alors, je vous raconte une histoire très intéressante. Pour ceux qui... Alors, par exemple, en Syrie, en Égypte, ainsi de suite, ces réseaux dormants, en fait, ils ont ce qu'on pourra appeler, nous les sociologues, on l'appelle les creux de la ville. Ils ont leur café, ils ont leur cave. C'est une sorte de clandestinité, au fait. Avec le mouvement des occupations des places, les creux de la ville sont devenus... Ils ont quitté la clandestinité pour remplir la place publique. Donc, en fait, réseau dormant, subjectivité, il faut vraiment la regarder comme ça. Et puis, on arrive à un troisième âge de Nuit Debout. C'est Nuit Debout comme réseau. Aujourd'hui, voilà, de temps en temps, il y a des réunions. Vous pouvez suivre tout ce que vous voulez sur Internet. Il y a un site Internet, Nuit Debout. Ça sera intéressant de voir à peu près, de voir, en fait, cette transformation et cette reconfiguration des mouvements d'occupation des places. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je ne vais pas dire ce qu'est Nuit Debout, puisque personne ne peut parler en son nom pour un collectif. À la base, quand on s'est réunis, nous, nombreux, pour sortir du nucléaire le plus vite possible, pour éradiquer la pédophilie, la faim dans le monde, pour mettre un terme à l'empoisonnement, la destruction de graines, prendre soin de nos animaux, accorder une autre attention à l'ensemble de nos peuples, et tout ça, c'est parti du refus d'une loi à la con, la loi El Khomri. Nuit Debout, en réalité, ce n'est que l'expression d'une volonté populaire, en permettant à chacun de s'exprimer. Le moindre problème de chacun d'entre nous est important. Nous avons de nous occuper de l'ensemble, non seulement de nos populations, mais des êtres les peuplants. Il est complètement inadmissible. Nous avions une commission SDF à Nuit Debout. Il est totalement inadmissible qu'autant au bord de la route, en permettant à si peu, par le biais de la corruption, d'émerger. Les élections, il faut le dire, en France, ce sont les élections de la honte. Non seulement elles sont illégales, elles sont immorales, elles sont truquées, manipulées. Nous sommes la risée du monde entier. Tous les médias alternatifs étrangers nous considèrent comme étant ridicules. Qui vont s'exprimer, exprimer leur vote de façon manipulée et dirigée et malhonnête surtout. Nous, les résistants, à ce niveau-là, je ne m'exprime pas, mais ceux qui résistent, ceux qui restent dignes et qui ne participent pas aux élections de la honte, les abstentionnistes, nous appelons les volontaires à bloquer les bureaux de vote et surtout à s'insoumettre aux résultats que nous rejetons en bloc. Les politiques ne sont pas une solution, c'est à nous de prendre ensemble les choses en main et d'arriver à un monde qui corresponde au plus grand ensemble. Et notre n'est pas 50% et plus d'un électorat manipulé et incorrespondant à l'ensemble de notre population, mais à 80 voire 90% de l'ensemble de tous nos peuples partout sur la planète pour une même justice, pour une attention, un partage, une honnêteté et une joie de vivre. Voilà. Merci à tous. De belles choses nous attendent. Restez actifs. Ne baissez pas les bras. L'inélu, ce n'est pas pour nous. Nous nous sommes convaincus que de beaux avenirs nous attendent si nous sommes suffisamment unis et solidaires pour les mettre en place ensemble. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'il y a un tour de parole, je suppose. Bon, bah désolé, nous on est les SDF, les soldats de France, on n'aime pas le mot sans domicile fixe. En plus, avec tes paroles, qui sont. En fait, là, tu m'as donné un appui. En fait, sans. Comment on dit transition ou à la télé, je sais pas, sans transition. En fait, ce qui se passe, c'est que. On parle de solidarité. Malheureusement, cette vie rêvée, idéale, celle que tout le monde souhaite, c'est-à-dire égalité, fraternité, ou hein, soin de soin, hein, moi j'ai envie de le dire, l'année, on le voit aujourd'hui peut-être avec de belles paroles, avec de la logistique. Ceux qui sont dans la rue au quotidien n'ont pas accès à cette logistique ou à cet espoir ou à cette confiance en soi, seconde par seconde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'harcèlement qu'on subit au quotidien, malheureusement, des élections, ou alors le 14 juillet ou le nouvel an, pour que les gens se réveillent. Mais nous, tous les jours, on fouille les poubelles pour donner de la bouffe à des gens qui nous ressemblent. Parce que ce collectif qu'on a créé, c'est des gens qui sont en galère pour des gens en galère. On n'attend pas que l'État nous ou de la bière ou du shit sur nos tables, parce que ça vient de leur part, on n'en voudra pas. Nous, on se démerde nous-mêmes. Et je ne vais pas aller voter pour que quelqu'un me dise, eh ben grâce à moi, tu vas manger du charal ou du halal, parce que je vais manger Claire Chazal s'il le faut aujourd'hui. Et on est harcelé par ce même gouvernement qui est censé nous protéger, qui est censé nous aider, eh ben nous on fait des choses qui leur déplaisent. Apparemment la récup, le gaspillage, dormir dans la rue avec des tentes, ça dérange. Pourtant il y a la loi d'Allo, ben, le campement c'est interdit. Sa tente, un SDF, on va la déchirer et on va même lui perquisitionner. C'est la police qui fait ça, c'est personne d'autre. Et si vous voulez des témoignages, on a des vidéos. Et je m'en fous moi de la crédibilité de ce qu'on a. Fais gaffe à ma bière, c'est très, très important aussi. Voilà. Donc on remplit notre ventre, on remplit notre tête, on vide nos couilles, on est des putains d'êtres humains qui nous acceptons comme on est et on refuse pas la nature humaine. Donc aujourd'hui, on fait une collecte, ne demandez pas pourquoi, parce qu'on est un collectif de gens qui galèrent dans la rue et qui sont pris la décision de récolter des fonds. Alors, on va te donner les besoins au quotidien, on va te dire ce qu'on a besoin, mais on n'a pas besoin de boire, de fumer ou de manger, parce que ça, on se démerde très très bien dans la rue pour ça. L'aide humaine, elle est encore même plus rare que l'aide financière. Elle est difficile de dire à un mec, t'as un peu de temps à nous donner pour mettre dans la poubelle, mais porte les sacs du tri que je vais faire et on va les distribuer derrière. Et vas-y, tu vois, nous, on veut pas de pièces. Je suis pas exigeant, mais je suis désolé, mais je fais pas la mendicité, je suis contre le gaspillage, donc je suis contre la mendicité. Tu sais quoi, offre-moi un sourire, c'est mieux, tu vois. Au moins, il y aura un force et au moins... On ne te gênera pas, tu vois, ça te fera plaisir. Des fois même, tu me donnes le sourire avant même que je t'ai demandé le sourire. Maintenant, si t'as un billet de 100 euros, on le veut bien. Parce que moi, je suis pro-Coluche. Et Coluche, il te dit, hein, bah, tu vas au boulot. Bah, dis-leur que je suis en retard ce matin. Ok ? Et moi, je suis en retard. Je peux pas être à l'heure parce que c'est sûr que si tu me donnes pas ma chance, bah, je vais me la donner tout seul. Voilà. Et le collectif qu'on a créé, c'est parce qu'on va pas attendre qu'on nous donne du boulot. Et donc la nourriture qu'on distribue du lundi au dimanche, du gaspillage, à défaut de travailler. C'est à défaut de travailler. Et donc au lieu de prendre ma part, eh ben, je me dis, il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a trop de gaspillage, il y a de la surconsommation. Ben nous, on va en profiter. Je ne suis pas une assos, on n'a pas de subvention et on ne va pas demander d'aide de l'État. On va faire sans eux. Là, on est en train de se prendre la tête parce qu'on parle d'eux, ils ne parlent même pas de nous. On va se bagarrer pour du partisanat, eux, ils ne se bagarrent pas pour nous. On va se prendre la tête, droite, gauche, eux, ils ne vont même pas parler de nous. Moi, je suis le parti du percute, ça vient d'en bas. Parce que droite, gauche, voilà. Et si tu veux, ne me crois pas, eh ben, je t'invite dans ma tente et je t'invite à manger un triangle de ma récup. Et si tu tombes malade ou que tu as froid demain, eh ben là, tu auras le droit de me chanter la chanson qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Merci, au revoir. Ils veulent aider les soldats de France. Après, ceux qui veulent pas donner d'argent, il y a le GoSport en face. On a besoin de tonte. Voilà, les pièces, on les accepte. La boîte, elle les accepte pas. Elle accepte que les billets. Elle accepte que les billets. Voilà, elle a parlé à ma place. Elle a parlé à ma place. Fumer et tout ça, on sait comment faire. Voilà, mets dans ta poche. Tu peux la faire pour nous, ça te dérange pas. Bravo. Bonjour. Moi, je vais vous parler du vote de demain, des élections, de ce que ça représente, de la souveraineté que ces politiques prétendent défendre. Donc, les abstentionnistes, c'est quand même devenu, sans publicité, sans moyens, le premier parti de France. Donc, là, on est là ici pour s'organiser entre nous, gens du peuple, comme il y a 200, 300 ans, pour faire rappel à ça. Donc, ils nous ont vendu du rêve, ils nous ont vendu de la vertu, mais en fait, ils nous ont bien spoliés. Et bon, maintenant, ça nous touche, nous, Français, un peu plus, là, dans nos portefeuilles. Donc, c'est le moment d'agir. Il y a les élections, là. Donc, ils appellent à voter contre. Mais là, on est là pour voter pour des choses. Donc, il y a beaucoup de propositions. Il y a eu des ateliers constituants. Il y a des collectifs dans tous les domaines. On pose à plat les thèmes. Et on pose à plat, surtout, donc, leurs tourments, là, qui profèrent, là, leurs peurs. Donc on pose des choses à plat ici à Nuit Debout et à Jour Debout et avec le CNTF, avec le collectif Anonymous, parce que là on n'a pas les masques, mais on sait ce que ça représente. Maintenant, si les gens pensent que c'est mieux de parler avec un masque. Allô, allô. Donc on est là pour s'organiser. Donc les politiques, ceux qui veulent encore leur donner du crédit, donnez-leur du crédit demain. Ici les gens hésitent, mais vaut mieux voter pour des choses. Donc le suffrage universel pour la démocratie, ça fait quand même longtemps que c'est en route. Les référendums, ils ont essayé, ils se sont ramassés. Donc il n'y a même pas à demander si il faut le traité numéro 50 pour sortir de l'Europe. Nous ne sommes pas dans l'Union européenne, puisque contre au référendum, ils ont largement les moyens de faire des référendums quotidiens s'ils veulent sur différents thèmes. Ils ne le font pas. Donc nous, les abstentionnistes, nous fédérons. Parce que nous avons des questions à leur poser. Et si on attaque les questions, on va commencer direct. Parce que la justice sociale, la justice fiscale, on s'en bat les couilles. Parce que les ministres, depuis des années, sont des corrompus. On a des pédophiles au gouvernement. C'est un sujet tabou, mais c'est marrant. Et il y a des choses, s'il y en a, ils ne sont pas d'accord. Je suis ouvert à toute proposition. Donc ici, on s'organise, il y a plein de bonnes personnes positives. Encourageons-nous plutôt que de dénigrer les actions des uns et des autres dans le bon sens. Merci à vous. Merci. Donc du coup, on va arrêter le débat qui était donc dans le format boîte à questions. La question qu'on a piochée, c'était que devient Nuit Debout et comment faire plus. Donc on a eu un débat autour de ça et maintenant, on va accueillir des slameuses. Qui vont venir, nous faire des slams. Ce qu'elles ont dit, c'est que si d'autres personnes souhaitaient justement lire leur texte pour faire des slams, c'était possible. Donc, je vais leur donner le micro, mais je crois qu'elles sont parties du coup se réunir. Et est-ce que t'as arrêté l'enregistrement ? T'as arrêté l'enregistrement ou pas ? Non. J'arrête. Ouais. Et donc, du coup, elles